Parfois, je suis plongé dans une tristesse, pensant à un amour utopique, caressant des rêves frivoles, soudainement revenu à la réalité pour me rendre compte de cet état d'âme. Depuis notre dernier entretien, ma vie est devenue sans entrain. Je suis plongée dans une profonde noirceur parce que je t'ai perdu, toi, ma lumière. Je passe des nuits sans sommeil. À chaque fois, ton image me réveille. Et le jour, je suis comme un robot avec le train-train de mon boulot. Comment puis-je continuer à vivre sans toi, qui maintenant est une partie de moi? Enfin, un amour dont j'ai tant rêvé, sur le point d'être une réalité. Ton silence ne fait que grandir mon amour qui a pour devise pour toujours. Rien ne peut l'étouffer puisqu'il est bien né. Mon amour est mûr et bâti sur du roc dur. Raison, tu ne peux prendre le dessus. Un jour, ton cœur finira par céder et nous continuerons à nous aimer pour l'éternité.